Salut à tous et à toutes, c'est Génération Manga, nous sommes de retour. Et on m'a encore déconné le truc, décidément. Comme à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je suis étonné. Oui, donc je disais que nous sommes de retour. Pour la petite info, si vous avez perdu un peu le compte, sachez que nous en sommes à la 480e. Donc voilà. Alors, ce week-end s'est tenue donc la convention Les Héritiers de la Force de Star Wars à QC. Donc c'était super comme d'habitude. Et surtout, ça a été l'occasion pour moi de rencontrer le comédien de doublage Guillaume Orsa, qui n'est autre que la voix de Castle ou encore de Brendan Fraser dans Les Momies. Hein, ils sont momies, tout ça, le momie, le retour, tout ça. Et le limier dans Game of Thrones, pour ceux qui connaissent et apprécient cette série, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Et donc, j'ai profité bien sûr pour l'interviewer, comme vous vous en doutez, et vous verrez ça dans un prochain Toi qui t'y connais. Mais néanmoins, en préambule et avant toute autre considération, sachez que j'ai quelques petites informations. Figurez-vous qu'il est aussi directeur de plateau, entre autres sur la série The Arrow, Green Arrow, bien sûr, que nous adorons. Et par contre, pas de chance, ce n'est pas lui qui s'occupe de Flash, parce qu'il était très occupé, il n'avait pas le temps pour faire Flash aussi. Et il en résulte que le directeur de plateau de la série Flash a décidé de changer les voix de Flash et les autres qui étaient déjà apparus dans Arrow avec certaines voix. Et ben ils en auront d'autres dans Flash, et ça c'est pas bien. Ah là là, c'est pas bien du tout ça. Enfin bon. Et vous apprendrez aussi plein d'autres choses donc dans l'interview que vous verrez dans le prochain Toi qui t'y connais, qui sera en ligne tantôt. Voilà. Tantôt là, tantôt l'autre. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, le truc, c'est que... Voilà, voilà. Aussi, la grande nouvelle, bien sûr. La grande nouvelle. La super nouvelle. Enfin, ça, c'est une question de point de vue. C'est le retour de Dragon Ball Z. Alors, oui, bah, on le sait au cinéma. Non, non, non, non. En série. En série avec Dragon Ball Super. Voilà. Dragon Ball Super. Ça s'appellera comme ça. Ça sera une nouvelle série. Donc j'ai bien dit série de dessins animés. Donc, ça veut dire que vous allez avoir votre ration de Dragon Ball de nouveau toutes les semaines avec Son Goku Super Giga Mega Ultra Guerrier de la Mort qui tue avec les cheveux bleus et plein d'autres choses. Enfin, vrai. C'est Akira Toriyama himself qui est derrière tout ça. Donc, normalement, ça devrait être beaucoup mieux que Dragon Ball GT. J'ai dit normalement. On ne sait pas, hein. Et puis voilà. Sinon, nos amis d'Avignon, Kizidance, ont eu la joie de voir le week-end dernier notre ami Bernard Minet en concert. Et c'était fantastique, d'après les échos que j'en ai eus. Voilà. Allez, on commence tout de suite une petite chanson, puisqu'on parle de Minet et Dragon Ball GT. Et bah, c'est ça qu'on va s'écouter. Et ça rime tout ça, c'est beau. Dragon Ball, Dragon Ball, Son Goku contre le mal. Dragon Ball, Dragon Ball, la conquête d'un idéal pour retrouver les nouvelles boules de cristal. À travers l'univers tout entier, il affronte les plus grands des dangers. Oh, au grand cœur, le vainqueur ne connaît pas la peur. Ouais! Dragon Ball, Dragon Ball, le courage et l'amitié. Dragon Ball, Dragon Ball, plus fort que l'éternité. Jamais règne la liberté. À travers l'univers tout entier, il affronte les plus grands des dangers. Le héros au grand cœur, le vainqueur ne connaît pas la peur. Dragon Ball, Son Goku contre le mal. Dragon Ball, Dragon Ball, la conquête d'un idéal pour retrouver les nouvelles boules de cristal. À travers l'univers tout entier, il affronte les plus grands des dangers. Le héros. connaît pas la peur. Dragon Ball GT. Eh oui, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, Dragon Ball GT. Bref. Nanana, oui, je sais. Dragon Ball GT, tous les fans de Dragon Ball chient dessus. Moi aussi, d'ailleurs, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. On a tous notre Dragon Ball GT quelque part, hein, des suites qui ne sont pas dignes de leurs prédécesseurs. Eh oui, oh, tu sais qu'il y en a. Il y en a moult. Alors, autre chose qui n'a rien à voir, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, donc Bruno René Huchez, donc l'importateur de Goldorak en France et de d'autres séries de IDDH et tout ça, a donc écrit un bouquin qui s'appelle « Était une fois Goldorak », que je me suis donc procuré, que j'ai lu, 420 pages, et force est de constater qu'il n'est pas très intéressant, donc je ne vous en conseille pas l'achat, ce n'est pas la peine. Hein. On apprend juste quelques petites brèves intéressantes sur l'origine du nom d'Ixor, d'Edgar, tout ça, le truc, mais enfin, franchement, il y a une trentaine de pages intéressante disséminée sur les 420. Le reste du temps, il nous raconte ses voyages au Japon, il nous raconte ses démêlés avec Jacqueline Joubert, responsable donc de l'unité jeunesse à l'époque. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas entendre. Et puis de tous ces dîners mondains chez Maxim's. Donc tout ça, c'est voilà quoi. Donc vu que vous pouvez vous le procurer sur Amazon en le commandant directement à Monsieur Huchez et que ça vous coûte quand même 31€ avec le port. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère vous dire que si vous êtes curieux, c'est pas la peine, hein, ça sert à rien. Toutes les informations intéressantes, je peux vous les livrer ici à l'antenne. Donc c'est pas la peine de gaspiller votre argent. Hein. On est bien d'accord, pour argent comptant. Voilà. Oui, donc Bruno René Huchez, disais-je. Oh, c'est beau ça. Donc il a écrit ce bouquin. Et aussi à l'époque, il y a eu un petit reportage que vous pouvez décidément voir sur YouTube, et dont je me vous propose de vous en faire l'écho au niveau du son. Hein. Donc on va s'écouter ça un petit peu, ce qu'il nous raconte donc Bruno René Huchez sur IDDH à l'époque. Ça peut être plein d'enseignements, je le pense. Alors on va écouter un petit peu ça. Alors attendez, avant qu'écouter ça, il faut que je coupe le sifflet à l'autre, là, parce qu'il continue pendant ce temps, hein. Pas têtu. Ah là là là là, si c'est pas malheureux. Alors, où suis-je? Qui suis-je? D'où viens-je? D'accord, il y a tout qui... Voilà. Attatatata, on revient, du coup, Léon, on va s'écouter ça, ça dure 9 minutes 44, c'est parti. Angoulême est la capitale de la bande dessinée, mais depuis quelques années, elle est aussi devenue la capitale du dessin animé. Bruno Huchez, PDG d'IDDH, va nous expliquer comment ça se passe. Non, ne fais pas ça, arrêtez, malfaisant, j'ai encore de petites choses à régler. Je ne peux plus attendre, je veux voir les habitants de cette ville en paix. Si nous avons fait Denver à Angoulême, si nous faisons maintenant les tortues, c'est parce qu'il y a ces élèves de l'école d'art graphique qui viennent chez nous depuis à peu près 2 ou 3 ans. Cette fois, je crois avoir trouvé l'homme de ma vie. Et nous nous servons d'eux comme un vecteur de performance pour le dessin animé. Ah oui, je vois ça. Premier travail, mettre en mouvement les personnages. Bon, nous, notre travail consiste à faire le posing, c'est-à-dire qu'on met les personnages par rapport au décor. Ces personnages, ce sont des modèles sheet. Ils ont été créés par Maurice. Bon, vous avez les modèles sheet ici. Il faut les respecter scrupuleusement. On n'a pas d'interprétation personnelle à donner. Il y a des modèles sheet en pied, et on a des modèles sheet d'expression. Et c'est à nous de mettre, en fonction des plans, de mettre les personnages dans des poses avec les expressions des modèles sheet. Donc sur Lucky Luke, hein. Je précise, vous n'avez pas l'image, donc je vous le dis, c'est sur Lucky Luke. Bon, Lucky Luke. Alors ça, c'est la première image qu'on va voir à la télé. Il s'agit d'un panneau, donc il va se déplacer jusqu'ici. Ça, c'est donc la dernière image qu'on verra à la télé. Caramba! Ouais. Vous allez chez les Cheyennes sans armes? Viserai-je pas le fatigué de vivre? Je viens sans armes pour parler paix. Mon travail, c'est un travail de détection. C'est un travail qui se fait avec des bandes son que je reçois. Il y a feu, il y a sang. Là, c'est les bandes 16. Et sur ces bandes, je détermine le temps des phrases. Voilà, que je marque là. Donc j'envoie ça au storyboarder qui va déterminer le temps de ces plans par rapport au temps des phrases. Ça, c'est une première partie du travail. Et la deuxième partie du travail, c'est de séparer ces phrases sur une bande amorce, syllabe par syllabe, pour après déterminer les mouvements de bouche par rapport à ces syllabes-là. La première deux dessins que j'ai vus ce matin me satisfont parfaitement. C'est très très très bien animé. J'ai toujours eu un faible pour le dessin animé. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu, je le considère un petit peu comme une consécration pour quelqu'un qui fait de la bande dessinée humoristique, de se voir adapté à l'écran. Et le fait d'ailleurs de voir son personnage qu'on a créé de toutes pièces sur du papier, de le voir bouger, vivre et parler, c'est impayable. Et encore maintenant, ça me donne toujours la même satisfaction. Donc ça, c'était Maurice, hein, l'auteur de Lucky Luke. Après le mouvement et la voix, c'est au décor qu'on s'attaque. Je suis décorateur de films et mon travail consiste à faire des décors couleurs. Qui dit décor, bien sûr, toute la mise en couleur, les recherches couleurs. On est libre d'utiliser les ambiances ou les couleurs que l'on veut, à condition que ça reste dans l'esprit de la série et que ça reste d'abord réaliste, puisqu'il s'agit d'une série historique, qu'il faut être le plus rigoureux possible. Donc on a à notre disposition toute une documentation sur l'époque et on s'y réfère chaque fois qu'on a à peindre une pièce, un meuble, quels que soient les accessoires. Oh, monsieur le marquis, vous arrivez juste. Ils ont sorti le grand chaudron. C'est Molière ici, moi, en l'occurrence, hein, la série. Bonjour, Charlotte. Ce sera une bonne botte de paille pour Rosine et deux gamelles de ragoût pour moi. Oh, et puis, je me sens l'appétit venir. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas soupé, monsieur le marquis? Oh, ça, je ne m'en souviens guère. Ben, une semaine, comme moi. Mais dis-moi, ça sent fort bon. Tu as bien dû mettre un beau chou. Oui, quelques épluchures. Mais il y a une odeur de bon gros oignon là-dedans. Tu ne me tromperas jamais. C'est vrai, mais c'est des plures. Et ça, Charlotte? C'était une botte, en l'occurrence, dans le souper. Pour chaque personnage, chaque accessoire, moi, je m'occupe de la recherche couleur, c'est-à-dire une première recherche. C'est complètement subjectif, sauf qu'il faut tenir compte quand même du fait qu'il y a une vingtaine de personnes qui travaillent le décor et qui ont une manière particulière de travailler. Donc il faut quand même insérer les personnages dans ces décors et faire en sorte qu'il y ait un suivi. Pour Molière et Simo, c'est pas beau, hein, pour ceux qui connaissent pas. Cambycis, c'est dangereux. Je me présente, Renard. Et lui, c'est Marmouset, mon meilleur ami. Voilà, moi, Renard. Non, mais c'est pas encore l'heure, Marmouset. Comprenez-le, pour rien au monde, il ne manquerait son émission préférée. Oui, je crois que t'as raison, Charlie. C'est Denver. Le processus du ventite est assez simple, comme on peut le voir, c'est une caméra fixe. Le support est du celluloïde, transparent, gouaché à l'envers. Nous faisons deux photos pour une image. Pour la télé, ça va totalement. Pour le cinéma, on fait 24 images à la seconde, en général. Quoique, ce n'est pas systématique. Le plan commence comme ceci, il est face à son écran de contrôle. Pour terminer, en 15 images, face à la caméra, ce qui nous donne à peu près une seconde et demie à deux secondes pour faire un mouvement complet comme ça. Nous faisons bleu avec Antenne 2, bleu de Philippe Druyer, ce génial Druyer, comme dit tout le monde. Il faut effectivement reconnaître que la diva a réussi à placer des personnages qui crèvent l'écran. L'enfant de la terre. Les animés t'as chier, hein, par contre. Hein. D'ailleurs, il y a eu 13 épisodes de fait sur les 52 originellement prévus, hein. Faut le savoir, ça. Parce qu'apparemment, donc l'auteur, Druyer, avait un gros melon. À côté de IDDH se trouve la société Jingle, Elle fabrique des dessins animés aussi, mais elle s'est carrément spécialisée dans la création d'adaptations de bandes dessinées. Pour ce qui concerne donc Léonard, c'est le prix Antenne 2 de l'année dernière qui a été attribué à Turquet de Roth pour la création donc d'un pilote et voire d'une série. Léonard, c'est bien sûr ce personnage inventé par ses auteurs et qui nous a permis de faire un court-métrage d'environ 3-4 minutes où une multitude de gags sont rassemblés dans un minimum de temps. Et je crois qu'on a fait là une superbe animation et on a beaucoup d'espoir de pouvoir diffuser cette série assez prochainement. Donc apparemment ce dessin animé de Léonard n'est jamais sorti, hein, donc celui qu'on a vu bien plus tard en synthèse, j'en ai rien à voir, ça va sans dire. Bah, si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez voir donc ce reportage sur YouTube, hein, vous trouvez facilement, c'est IDDH Angoulême, voilà, ça s'appelle. Allons disciples, ne nous dispersons pas. Venez avec moi au labo, on a beaucoup de travail aujourd'hui. Ben Franck Margerin, ça a été une rencontre qui a duré assez longtemps, puisqu'on a démarré il y a à peu près 2 ans. Et à l'époque, il n'avait pas l'idée de faire un dessin animé. Et nous l'avons convaincu, j'espère, de le faire. Il avait, disons, quelques freins par rapport à des adaptations de bande dessinée au dessin animé. Et puis, on lui a demandé donc de créer un personnage original. Et c'est comme ça qu'il nous a créé Manu. Ouais, Manu, ça c'était des animés qui passaient beaucoup sur A5. Ouah, putain, quelle méchante. Hey, bonjour la frime, hein. C'est sûrement une mine, ou alors une onçon. Ça doit coûter la peau des fesses, une machine comme ça. Bah si t'en prends 10, ils vont te faire un prix. Allez, salut, tu m'excuses, hein, je suis pressé. Donc voilà, donc je vous incite à regarder ce petit reportage. C'était un truc qui a été fait dans les années 90, c'est pour vous dire. Donc on a parlé, on a évoqué tout à l'heure Molière et Simo. Et encore une fois, comme souvent dans ces cas-là, la seule chose qui est sympa dans le dessin animé, c'est le générique qu'on écoute maintenant. Et voilà. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est fait. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied de nez, un bout d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin. L'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle. Pour chasser les brigands. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. J'ai dormi sur la paille ou dans un tonneau. Puis j'ai connu Versailles, la ville de château. Quand un bourgeois joue les marquis et s'achète un grand nom, nous allons entre Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il fut mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les traits d'eau, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient de la galop. Du roi soleil aux mousquetaires, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièreissimo. Et oui, Molière ici, un dessin animé français, pas bien du tout, bah caca. autre chose aussi, la super série sur Daredevil, Daredevil sur Netflix. Donc c'est avec Netflix, hein, c'est une chaîne particulière que vous abonnez. Et en fait, toute la saison est disponible d'un coup. Donc vous pouvez vous faire l'intégrale des 13 épisodes d'un coup, c'est ça qui est vachement bien. Et donc j'ai tout regardé Daredevil et c'est super bien, je vous le conseille fortement, avec son affrontement contre le Kaïd, là, le Kingpin. Et c'est super bien fait. je voudrais pas trop vous en dire parce que je vais vous spoiler, sinon il faut surtout pas. Donc Daredevil, Netflix, si vous pouvez regarder, c'est de la bombe bébé, voilà ce que j'ai à en dire. Donc comme je le disais, c'était Star Wars ce week-end, donc un petit hommage à Star Wars s'impose. Sachez qu'un nouveau comics vient de sortir, parce que je ne vous l'apprends pas, mais Disney a racheté Star Wars. Donc la licence de comics adaptation Star Wars qui était chez Dark Horse depuis pas mal d'années est donc retombée chez Marvel, qui aussi appartient à Disney. Et donc du coup, il reboot tout ça et il recommence plein de nouvelles séries Star Wars en bande dessinée. Et donc pour le coup, il y a la version française qui sort. Et si ça vous amuse, il n'y a pas moins de 15 couvertures différentes à collectionner, dont certaines ne sont en vente que dans certains points de vente. Voilà, c'est super. Donc si vous êtes des gogos et que ça vous amuse d'acheter 15 fois la même chose, juste parce qu'il y a 15 couvertures différentes, allez-y, faites-vous plaisir. À 5,50 le bouquin, x 15, ça fait autour de 80 euros la blague. Donc voilà, moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Allez, c'est parti. Star Wars, la version française. Ça va être assez terrible, ça, je le crois. Hihi. Star Wars, toi, oh, dans les étoiles. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non. L'événement cinématographique de l'année, ça a été Star Wars, la guerre des étoiles. Mais ça n'est pas seulement un film événement de George Lucas, c'est aussi une musique célèbre. Absolument. De M. John Williams. Absolument. Et c'est cette musique de Star Wars qui a inspiré les robots de Star Wars. C'est pas la version française parce qu'il y en a une, mais c'est affreux. Hein. Et là, c'est une chorégraphie en fait, donc je vous invite là aussi à aller regarder ça sur YouTube et à vous faire du mal. C'est ridicule. Allez, on arrête les conneries là, on arrête les conneries, on est sérieux 5 minutes. Hein. On va peut-être s'écouter de la bonne musique, hein, des bonnes chansons pour changer de toutes ces sortes de choses. Alors, je vais vous proposer, donc, puisqu'on était dans des IDDH tout à l'heure, vous savez aussi que donc, Bruno Huchez est l'instigateur de pas mal de dessins animés. Il s'est battu pour arriver à les faire, des dessins animés français, dont Don Clémentine et bien sûr Moi Renard. Alors Moi Renard, c'était donc un truc avec des animaux humanoïdes et c'était un voleur renard un petit peu comme Lupin III à la guerre de la Cambriole. Bon, c'était absolument affreux en niveau de dessin et de l'animation, mais la chanson, encore une fois, est sympa. Moi, renard, chenapan, sacripouille, coquet, coquin, c'est parti, renard! Renard! Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien! Renard! S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche, dans une église, tout en ferveur. C'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Boni menteur, acteur, surtout menteur de couleurs, feu et d'artifice. Escroc mignon, gentil filmeur, sa vérité c'est la malice. Croiser son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquin, coquin. Renard, chenapan, chacripouille, sacré vaurien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. On est poisson, il est pêcheur. On est ruiné, il est parti. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'en vas. Renard, sacré bon, sacré bouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, sacré bouille, sacré vaurien. De l'entourloupe, de l'esbrouffé, de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne. On vous pirate, il n'a qu'un œil. On vous escroque, il vous mâchonne. Mais le bouquet, c'est qu'il vous cueille. Ça, ça lui vient là en courbette. Ce qu'il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, chacripouille, sacré vaurien. Renard, piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la vrimouille, il s'y connaît, filou, filou, fripon, futé. Filou, filou, fripon, futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins, genre de stick qui a pas le trac. Si sûr de lui qu'il doute de rien, la vie roule bien pour cette canaille. Toujours bon train, il vole les rails. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chacripouille, sacré vaurien. Renard. Eh oui, renard. C'est pas bien, renard. Vous l'ai déjà dit. Oui, je vous remercie de vous inquiéter pour moi, vous savez que je tousse depuis pas mal de temps, je prends du sirop, mais ça ne veut pas passer bizarrement, je ne sais pas pourquoi, et ça me saoule. Ah, ça me saoule énormément. Alors, je sais que de temps en temps, il nous jette une oreille attentive, donc je vais lui faire cette petite chanson en dédicace à notre pote Rio, voilà, avec Magie Bleue qui a été le tout dernier dessin animé de l'œuvre de Tezuka à être adapté avant que ce dernier ne nous quitte. Donc ça passait sur la 5, Magie Bleue, c'était un petit poney bleu en fait qui avait plein de pouvoirs. Et puis il y avait toute une clique avec lui à l'intérieur d'un bus et tout ça, c'est Magie Bleue, c'est parti. Magique est un poney bleu, au pouvoir si fantastique qu'il part comme une boule de feu. Une décharge électrique, il s'envole haut dans le ciel. Au milieu, loin des nuages, un pied né à l'arc-en-ciel. Ça c'est bien de son âge. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi ton énergie. Donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi ton énergie. Donne-moi. Voilà, donnez-moi un billet de 100. D'accord. J'arrête mes conneries. J'arrête mes conneries. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre de beau ? Bon, moi, vous avez tous vu, j'imagine, la bande-annonce des prochains 4 Fantastiques. Hein, c'est une catastrophe. Une catastrophe, ta-na-na, qui n'a pas l'air bien, na-na-na. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, des 4 Fantastiques ? Ah oui, mon Dieu, quelle horreur. Bon, outre le fait que la Torche Humaine soit un black, qui est censé donc être le frère de Jeanne Storm, sous Storm, qui elle est blanche. Moi, c'est tout à fait normal, tu vois bien. Bon, regardez la bande-annonce. Moi, je ne sais pas vous dire d'autre, quoi. Mais on dirait pas les 4 Fantastiques. Hein. Puis, c'est des ados prépubères, je suis désolé. Il n'y a que Johnny qui est censé être à cet âge. Sinon, c'est ridicule. Reed Richards, il ne peut pas être à ce point scientifique et tout en étant trop jeune. C'est pas crédible, les gars. C'est pas crédible, les gars. Ah, les bons vieux 4 Fantastiques, c'était plutôt ça. Ew. Charles, cœur de lumière, au bras magique, traînera mille éclairs d'apocalypse. Johnny, la torche humaine, va traverser des galaxies nouvelles pour te sauver. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Bien sûr, c'était générique du vieux dessin animé des années 80. Oui, oui, bien sûr, des 4 Fantastiques. Voilà. Avec des trucs un petit peu spéciaux à l'époque, avec Galactus qui était vert, par exemple. Et apparemment, ils n'avaient pas les droits de Namor le Prince des Mers pour le dessin animé. Donc, ils avaient remplacé le personnage par un autre bonhomme. Enfin, ils faisaient des trucs assez bizarres. Je ne sais pas, c'est assez curieux. Et pour l'anecdote, sachez qu'il y a eu donc deux dessins animés des 4 Fantastiques à l'époque. Et dans le deuxième, il n'y avait plus la Torche Humaine. Il y avait à sa place Herbie le robot. Et beaucoup pensaient que s'il n'y avait pas la Torche Humaine dans ce 4 Fantastiques, c'était parce que c'était pour éviter que les enfants aient envie de se transformer en Torche Humaine, tu vois, pour faire comme le héros. Mais pas, point du tout, c'est pas le cas, non, non. C'est juste qu'en fait, les droits de la Torche Humaine avaient été loués à quelqu'un d'autre pour faire un autre dessin animé qui s'est pas fait. Et donc, du coup, voilà. Par contre, ce qui s'est fait et qui n'aurait pas dû se faire, c'était un dérivé de la chose tout seul. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Ben Grimm qu'on connaît. Parce qu'en fait, ça se passe dans la préhistoire et c'est un gamin qui n'a rien à voir avec Ben Grimm qui se transforme en la chose via une bague ou je ne sais plus quelle connerie. Et donc, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une curiosité. On n'a jamais vu ça en France, Dieu merci. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Mais bon, on peut faire de la magie comme ça, comme par exemple Tara Duncan. Dans un monde étrange, où ce sont les plus forts qui te mangent, hystérique, tombe entre nous, ce n'est pas l'amour fou. Éclair de magie, alchimie. Devoir, oh, oh, oh. Je ne veux pas combattre dans l'ombre. Il faut m'aider avant que je ne sombre. Je suis une sorcelière et ma vie est en danger. Magique à part entière, viens me sauver. Je suis une sorcelière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tarakan, Tarakan. Pour te changer en crapaud, toi qui déprince, c'est bien le plus beau. Un tout petit. Transformus. Seul un baiser de princesse te transformera, c'est une promesse. Acquise passion, transformation. Pouvoir, wow. Je ne veux pas combattre dans l'ombre. Il faut m'aider avant que je ne sombre. Je suis une sorcelière et ma vie est en danger. Magique à part entière, viens me sauver. Je suis une sorcelière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tarakan, Tarakan. Pouvoir, wow. Je ne veux pas combattre dans l'ombre. Il faut m'aider. Je suis une sorcelière et ma vie est en danger. Magique à part entière, viens me sauver. Viens me sauver. Je suis une sorcelière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tarakan, Tarakan. Ça envoie du bois quand même. Ça vous dit quelque chose, hein? Eh ben oui, parce que j'avais fait une chanson sur cet instrumental à propos de Génération Manga. Eh oui. Comment ça vous rappelez pas? Comment ça vous la connaissez pas? Vous êtes sûr? Bon bah je vais voir si je m'en rappelle alors. Ouais, alors on va voir si je m'en rappelle. Allez, c'est parti. Après une dure journée de repos, moi j'allume aussitôt ma radio sur la bonne fréquence des vacances. Avec des musiques japonaises, pour tout comprendre faut être balèze. Eh bien tant pis, c'est parti. Je chante, oh, oh, oh. Car je ne comprends toutes les paroles. C'est vrai que c'est dur de faire comme les idoles. Moi j'aime Génération Manga et la musique est en moi. Avec Japan Tela, oulala. Je suis Japan FM et Génération Manga et les musiques anciennes. Moi j'adore ça. Oui, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Ouais, en fait, j'ai un peu oublié, en fait. J'ai un peu oublié les paroles. Je les ai plus. Je vous la referai une prochaine fois. Je me remémorerai tout ça parce que j'ai oublié. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas chanté. Du coup, je les ai zappés. Hein. Je suis désolé, c'est pas grave. Alors, autre chose que je voulais vous faire écouter. Est-ce que je l'ai sur moi tout de suite là maintenant? J'ai pas l'impression. Alors attends que je trouve, je vais vous passer Gulliver. Ça c'est donc un dessin animé pas terrible, mais il y a eu un petit générique sympa. On va s'écouter Gulliver pendant que je vous cherche ce que je cherche. Voilà, je cherche ce que je cherche. Raconte-nous comment tu sors toujours indemne d'un combat. Bon, c'est court, c'est machin, mais alors, Gulliver, oh, oh, oh, oh, ouais. Nanana. Allez, on va s'écouter donc maintenant un petit générique d'une série adaptée d'un roman, savez-vous. C'est sorti en DVD, les enfants, vous voyez, bon, ça devient un peu dur à trouver parce qu'apparemment AB les a pas tellement vendus, donc ça a fini un petit peu à nos et compagnie. Mais sachez que ça existe néanmoins, puisque c'est l'histoire de Papa Longjambe. On a tout plein d'amis, des copains, des copines, qui vous tiennent compagnie. Mais ce que l'on n'a pas, qui vous manque le plus, c'est le bras d'un papa pour s'appuyer dessus. Papa Longjambe, Papa Longjambe, je ne connais pas ton visage, mais pour toi je serai sage. Je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai jamais. Tu m'as donné la chance de réussir ma vie. Tu peux me faire confiance, il sera réussi. Pour toi seul j'apprendrai tout ce qu'il faut apprendre, et je travaillerai pour devenir une grande. Hey tout le monde! Sage, je ne t'oublierai pas, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Eh ouais, Papa Longjambe. Alors pourquoi Papa Longjambe? Ah, vous savez pas, hein? C'est tout simplement parce que quand la première fois qu'elle l'a vu, en fait, elle a vu que son ombre. Et vous savez, quand vous êtes loin et que l'ombre est derrière, enfin, que le soleil est derrière vous, ça fait une ombre avec de longues jambes, du coup. Et oui, donc c'est pour ça qu'elle l'appelle Papa Longjambe, parce qu'elle n'a pas vu sa tête, elle a juste vu l'ombre. Et sur l'ombre, elle avait des, il avait des grandes jambes, forcément, à cause du soleil qui derrière. Vous voyez? Non? Pas grave. Allez, un petit peu de mythologie grecque maintenant. Ouais, ouais, Sensea! Non, la petite Olympe et les dieux. Et tiens, mange-toi ça. Je m'appelle Olympe. Et je suis la fille d'Apollon. Et tous les jours je grimpe le mont qui porte mon nom, là où les déesses font la fête avec des tas de dieux. Au nord de la Grèce, et je n'en crois pas mes yeux, il y a un dieu pour tout, pour faire faire la guerre. Il y a un Dieu pour tout, et toi aide-toi, et le ciel t'aidera. Il faut y croire, à ces légendes et à toutes ces histoires. Mais il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Avec Aphrodite, on connaît plus les choses de l'amour. Papaya. Et on nous invite papaya. À nous réunir toujours. Papaya. Papaya. On est des narcisses. Papaya. On pourra toujours se tromper beau. Papaya. Et Dieu nous est pas triste. Papaya. Dans son bain, il n'est pas doux. Il y a un Dieu pour tout, pour faire la paix et pour faire la guerre. Il y a un Dieu pour tout, et toi aide-toi, et le ciel t'aidera. Il faut y croire, à ces légendes et à toutes ces histoires. Mais il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Il faut y croire, à ces légendes et à toutes ces histoires. Et il faudra toujours garder l'espoir que la terre et les cieux s'entendront comme Olympe et les dieux. Na na na na. Allez, on enchaîne. Oh. Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent, plus fort. Bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Raon. Crie par-dessus l'ouragan, bats-toi face aux démons géants. Seul parmi les grands sorciers, que ta voix chante la liberté. Crie l'horreur, la fin, le sang, crie l'oubli, ta vie est un cri, Raon. Oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois, c'est en donnant la lune si ronde, tout le sourire du monde. Raon, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, tu cours comme un enfant perdu, ton cœur plus chaud que tous les feux d'un volcan. s'inscriront. Pourquoi l'eau, le feu, la terre? Eh oui, et pourquoi c'est bientôt fini? Et qu'on se retrouve la semaine prochaine? Eh oui, bah, le temps coule, et donc il est temps de se quitter. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera pas mal, Stortigo. Entre-temps, j'espère que je vous ai mis en ligne le Toi qui t'y connais de Guillaume Orsa, que je vous conseille d'écouter l'interview. Elle fait 17 minutes, c'est pas méchant. Il y a aussi sa fille Alice, qui double aussi, et qui est aussi dans l'interview. Voilà, voilà, je fais un petit coucou à Cookie aussi. Voilà, et on va se quitter avec le petit Lord Fauntleroy. Sachez pour la petite histoire qu'il y a eu un téléfilm, je crois, aussi une série. Non, un téléfilm du petit Lord Fauntleroy qui était interprété par Rick Schroeder, qui n'est autre que le petit Ricky de Ricky ou la belle vie. Oui, oui, oui. Et bien sûr, il y a eu un dessin animé passé sur la 5, donc avec un générique de Claude Lombard. C'est avec ça qu'on va se quitter, le petit Lord, malgré sa chance. Et bah, malgré sa chance, il va terminer l'émission. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera pas dans Snarf Digo. Et soyez là au rendez-vous. Un jour s'en va, un autre passe. On ne sait pas ce que sera demain. Quel est notre destin? On ne sait pas ce qui arrive, et la vie peut changer du tout au tout. Quand la chance pense à vous, va Cédric, va, ne change pas, tout s'arrangera. L'amour est là, et tout le monde en a sa part, et tu auras la tienne, quoi qu'il advienne. Alors il faut y croire, le petit Lord, la lame blesse, le petit Lord, à la richesse, mais parfois, il perd l'espoir. Alors il faut y croire, le petit Lord, malgré sa chance, le petit Lord n'a qu'une enfance sans problème, mais sans je t'aime. Un jour sans